Ils étaient environ 46 000 manifestants contre 290 000 la veille. Une partie des Gilets jaunes appelle à reconduire le mouvement aujourd'hui. C'est le cas en Haute-Loire ou dans le Morbihan. Le coup d'envoi du service national universel pourrait être en juin prochain. Le gouvernement envisage de tester le système dès cet été. C'est le secrétaire d'État Gabriel Attal qui l'annonce ce matin dans les colonnes du Parisien. Aujourd'hui en France, pour cette phase pilote, seuls des volontaires seront appelés. Ils seront répartis sur une dizaine de départements. À terme, ce nouveau service militaire devrait être obligatoire pour 2026. Il concernera tous les ados âgés de 16 ans. Qui pour succéder à Manuel Valls dans l'Essonne? On le saura dimanche prochain. Hier, ce sont le maire d'Evry soutenu par La République En Marche et la candidate de la France Insoumise qui se sont qualifiés pour le second tour de la législative partielle. Le premier a décroché près de 30% des voix, la seconde près de 18%. À noter la très forte abstention, seuls 18% des électeurs ont fait le déplacement. C'est le début d'une semaine cruciale pour le Brexit. La première ministre britannique Theresa May, très critiquée dans son propre camp, est attendue à Bruxelles. Elle doit y rencontrer le président de la Commission européenne avant le sommet de dimanche qui validera le divorce entre le Royaume-Uni et l'UE. D'ici là, elle doit défendre le texte aujourd'hui devant le patronat. Les sports en football, on connaît les premiers qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations. Ils sont trois à avoir décroché leur ticket pour la phase finale qui se jouera du 5 au 9 juin prochain. Le Portugal, l'Angleterre et la Suisse. Il reste encore un billet, ce sera pour la France ou bien pour les Pays-Bas. Les Bleus doivent espérer une victoire de l'Allemagne ce soir face aux Néerlandais pour se qualifier. Puis en tennis, il a fait plier Novak Djokovic à 21 ans. L'Allemand Alexander Zverev a battu le numéro 1 mondial en finale du Masters de Londres hier soir. Il terminera l'année à la 4e place mondiale. La météo dans la matinée, il y aura quelques averses sur le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse. L'après-midi, on attend un petit peu de neige à partir de 400 mètres sur les Vosges, le Jura, les Alpes et le Massif central. Les pluies vont se renforcer sur l'île de Beauté. Sur le nord et le sud-ouest du pays, le ciel deviendra très nuageux avec quelques gouttes. De la Bretagne et du centre Hollande, le temps sera sec et ensoleillé. Les températures ce matin, ça se rafraîchit. Moins 2 degrés à Nancy, moins 1 à Arras, 0 à Paris, 2 à Lorient, 5 à Draguignan, 6 à Mont-de-Marsan et 9 à Piana. L'après-midi, on attend 3 degrés à Saint-Étienne, 5 à Dijon, 6 au Mans et à Reims et 12 à Toulouse. 6h02, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. C'est lundi matin, il fait un froid polaire là, on va pas se mentir. Ah bah on est en hiver les gars. Ah bah on se caille, on se pèle là. Ouais. Non, c'est l'automne. Sauf qu'en froid, un front sibérien, j'ai regardé la météo, il y a un front venu de Sibérie. Bah je peux te dire que la Sibérie elle est arrivée sur mes genoux en scooter ce matin. Hein. Elle était là, j'avais un papa Sibérie sur la tête. Bonjour Jonathan. Bonjour Grégory, bonjour Justine. Jérémy. Oui, c'est ça, bonjour. Alors, j'allais dire, où est Max? Bah, Max poste la photo du jour sur la page Facebook de l'émission. Voici Gossip sur RTL2. It's a cool, cool world to feast on your own. A heavy cross to carry along. The lights are on, but everyone's gone and it's cool. It's a funny way to make ends meet. Without you. Cross sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. Avec le double expresso RTL2. Et c'est reparti pour une nouvelle journée, c'est reparti pour une nouvelle semaine où il va faire froid, mais on va se réchauffer ensemble. Bonjour Justine. Bonjour Greg. Salut tout le monde. Salut, salut. Bonjour à Max, du coup, qui postait la photo tout à l'heure pendant ça. Ça y est, me voilà. Bonjour, le bonjour. Voilà. Clara est au standard jeu également au 32-28. Aujourd'hui, c'est la Saint-Tanguy. N'hésitez pas à lui dire bonjour. T'as passé un bon week-end ? J'ai passé un très bon week-end et il a été très productif. Voilà, j'ai fait du sport, j'étais avec mes amis, je me suis baladée. Ouais, non, bien. Et toi ? Bah, moi, il a été contre-productif. Je n'ai rien foutu du tout. Ça arrive. Mais voilà, j'étais bien avec les enfants à la maison, tranquille, tout, rien de spécial. On aura des cadeaux, puisque je parle d'enfants. À 6h45, sera le tube de la brosse dans RTL2. Vous allez pouvoir gagner un séjour au Futuroscope. Et voilà, pour partir avec toute la petite famille. Voilà, nous, on va peut-être emmener Jérémy, Jonathan, Max, Julien. Oh oui, oui. Là, on va vous emmener. Vous seriez content de le parc d'attractions. Oui. Ah oui, je serais content. On pourrait les envoyer là-bas, bien sûr. Puis il y aura la banque RTL2. Ce sera le même numéro, le 3228 à 7h45. 8h45. Charlie Winston, les Cardigans, c'est Dire Straits. Voici Lady Writer sur RTL2. Bonjour et bon réveil. C'est le double expresso. On est ensemble jusqu'à 9h. Avec la guitare magique de Mark Knopfler, Lady Writer dans le double expresso RTL2. Il est 6h10. Bon, il fait très froid ce matin. Couvrez-vous si vous vous apprêtez à sortir. Là, on peut le dire, on se pèle. Bah, ça y est, oui. Allez, on va pas se mentir. On rajoute une couche. Oui, mais c'est vraiment spécifiquement cette semaine. Toi, tu trouves ça normal? Bah, tu oui. trouves ça normal que le 20 novembre, il fasse moins 2? Mais c'est parce pas que normal. J'ai adoré le temps d'hier. Il faisait froid, mais il faisait trop beau. J'adore ce temps. Bon, et bah, dans un instant, on va vous proposer, malgré le froid, de faire vos courses tout nu. Voilà, même en hiver, vous allez voir, c'est sympa. C'est ma première info expresso du jour. Bah oui, c'est comme ça. Les Cardigans? Bah oui, tout nu.

6h15, c'était l'anniversaire hier de Mickey. Il fêtait ses 90 ans. C'est l'événement. Déjà bah ouais. Et tu sais pourquoi il a des gants, Mickey? Parce qu'il a froid. Il froid, ouais. Ah ouais, pardon, excuse-moi, mais. Bah, c'est une question de visibilité déjà, et des gants blancs pour que ses doigts se détachent plus facilement de son corps. Ah oui, pour qu'on repère ses mains. On les voit. D'accord. Pas bête. Voilà. Ouais, une bonne stratégie. Malin, Walt Disney. L'info expresso après les Cardigans sur RTL2. Game sur RTL2. L'info expresso RTL2. Alors on se met tous tout nus. Tout nus. Tout nus. Tout nus. Tout nus et tout bronzé. Je vous ai dit, on va faire nos courses tout nus. Alors en fait, pour tout vous dire, je vous ai arnaqué. Oh. Parce que c'est pas nous qui sommes tout nus. Ah. Ce sont nos aliments. En fait, je vous explique. Oh, mais quelle arnaque! Ah oui, mais il fallait que vous restiez. Donc, j'ai tout tenté, j'ai tout donné. C'est l'ouverture d'un drive tout nu. C'est une première en France. C'est le nom qu'on donne à ce drive. C'est-à-dire, en fait, un drive zéro déchet. C'est un concept qui vient de Pierre Géraud Liria et de Salomé Géraud. Et ça s'est ouvert à Beauzelle, en Haute-Garonne. C'est près de Toulouse. Il y a un site internet qui s'appelle www.ledrivetoutnu.com. Alors, c'est pas le drive Éric Jean-Jean et Mathilde Courgeot qui sont tout nus non plus. Rien à voir avec eux. En fait, comme dans un drive classique où vous allez récupérer vos courses, vous passez récupérer vos commandes, mais avec vos emballages. En fait, vous arrivez avec vos bocaux en verre, les sacs en toile. Et en fait, on vous donne votre nourriture sans le moindre emballage. Donc, c'est en vrac. Exactement, voilà. C'est en vrac, si tu préfères. Donc, en fait, vous ramenez les emballages qui sont réutilisés, nettoyés, purifiés. Hop, on reprend à nouveau les bocaux, les sacs et tout. C'est pas mal, quand même. C'est intelligent, ça va dans le bon sens. Et les clients peuvent venir récupérer leur achat en voiture après les avoir commandés sur Internet. Le tout garanti sans emballage. Il y a un bon d'achat qui est offert en prix prime, 10 centimes la consigne, les fameuses consignes comme quand on était un peu plus petit avec les bouteilles en verre qui existent encore d'ailleurs pas mal de choses. Donc le succès de rendez-vous, ce qu'on espère, le concept pourrait faire boule de neige, comme il fait froid, je me suis dit c'est rigolo, et se décliner dans plusieurs villes de France. Ouais, ça au Cap d'Agde, ça va cartonner, hein, je te le dis ça. Oui, j'arrive tout nu. Ils vont pousser, à mon avis, ils vont pousser le concept, hein, eux. Non mais c'était une arnaque, le tout nu. Tu comprends pas bien. Pour tout le monde. On vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. N'hésitez pas à réagir. Voici Charlie Winston. Roll the window down, let the wind blow in. Turn the volume up, let the rhythm kick in. The week is out, the day is done. I've worked so damn hard like a dog digging for bones in the backyard. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend we just dance. RTL2. Allez, 6h23, on y va pour l'horoscope du jour. Lundi matin, Justine, les médailles de bronze et les gémeaux. Ayez foi en vos capacités, elles sont très nombreuses. Les balances. Vous avez du mal à vous réveiller ce matin, courage. Les cancers. Être pessimiste ne vous mènera à rien, gardez le sourire. On passe aux médailles d'argent avec les béliers. Voilà une belle journée qui commence, il n'y a aucun nuage à l'horizon. Les taureaux. Vous réfléchissez toujours avant d'agir, c'est une grande qualité. Les lions. Dans les jours à venir, une rencontre va vous changer la vie. Vierge. Vous êtes plus motivé que jamais pour affronter cette nouvelle semaine. Les sagittaires sont toujours médailles d'argent. Votre bonne humeur est communicative, les sagittaires. Tout comme les capricornes. Une belle opportunité professionnelle va se présenter à vous, ne passez pas à côté. Les verseaux. Profitez des instants passés avec vos proches, vous ne le regretterez pas. Et les poissons. Vous n'avez pas de temps à perdre pour les gens qui vous critiquent. Alors, la médaille d'or du jour, c'est pour ? Pour les scorpions, en ce moment, la vie vous sourit, tout va bien, il faut en profiter. Et j'en profite, mon petit frère est scorpion, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, c'est son anniversaire ? Alors, bon anniversaire, ah, bon, Clément, cool. Bisous. Bisous, Clément. Ah, évidemment, n'hésite pas à passer dans l'émission, tu seras le bienvenu. Voici Tracy Chapman sur RTL2. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. 'Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, ooh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of struggles, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution. Tracy Chapman, Talking About Revolution sur RTL de 6h27. Ce matin, une nouvelle fois, on a décidé de faire plaisir aux petits et aux grands, Justine. Wow. Dans le tube de la brosse à dents, là, dans moins de 15 minutes, on va jouer et à gagner un séjour en famille ou entre amis, d'ailleurs, au Futuroscope. Exactement, une valeur de 450€. Vous serez au Futuroscope, tranquille. Bah, génial. Logé, évidemment, on s'occupe de tout, avec même les petits-déj. On pousse le bouchon, tu vois, jusqu'au bout. Ça, c'est important, le gros petit-déj. Imagine Dragons. Natural, et puis il y aura le winner du jour à 6h35. Les pompiers d'une ville anglaise ont cru devoir intervenir sur un incendie. En réalité, c'était moins grave qu'un incendie. Voilà, c'était une fausse alerte. Je vous en dis plus dans quelques secondes sur RTL2. Bonjour, c'est Vanessa Paradis sur RTL2. J'ai une surprise pour vous. RTL2 présente Vanessa Paradis en concert très très privé. À l'occasion de la sortie de son nouvel album, Les Sources, dès que vous entendez le dernier titre de Vanessa Paradis, soyez les premiers à nous appeler au 3228. Et gagnez le transport, l'hôtel et vos invitations pour son concert très très privé RTL2 à Paris. RTL2, ma radio pop rock. 50 centimes la minute plus prix de l'appel. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, et si je vous dis et 1 et 2 et 3? Je te dis, arrête de jouer à la devinette et file chez Lidl. Bah justement j'y suis. Et aujourd'hui à demain, les poivrons en sachet de 500 grammes, ils les font à 99 centimes. Le sachet de poivrons à moins d'un euro chez Lidl, me dis pas que c'est... Ah bah que c'est le vrai prix, eh bah si, 99 centimes. Oh je suis vert. Comme les poivrons patron. Toi tu vas en voir de toutes les couleurs, ouais. Ah on est mal hein. Très mal, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. La Black Friday Week, c'est maintenant sur Amazon, avec des ventes flash pour toutes vos envies. Pour préparer les fêtes, acheter des cadeaux pour vos proches ou tout simplement pour vous faire plaisir, laissez-vous tenter. Profitez de prix bas et de la livraison gratuite sur des millions d'articles. La Black Friday Week sur Amazon, c'est jusqu'au 26 novembre. Livraison gratuite en France à partir de 25€ d'achat d'articles éligibles, expédiés par Amazon. Voir les conditions sur Amazon.fr. En exclusivité sur M6, France-Uruguay. 4 mois après leur quart de finale victorieux lors de la Coupe du Monde, les Bleus affrontent l'Uruguay dans un match amical au goût de revanche pour l'équipe d'Edinson Cavani. Et après le match, ne ratez pas un documentaire inédit sur Kylian Mbappé. France-Uruguay, coup d'envoi à 21h en direct du Stade de France, suivi du documentaire Kylian Mbappé, Les secrets d'un surdoué, demain sur M6. Diffuseur officiel de l'équipe de France. Avec M6, le foot, c'est gratuit. Oh, oh. Chérie, du 20 au 24 novembre chez Leclerc, des offres exceptionnelles, des promos, des remises, bref, c'est Black Friday chez Leclerc. Black Friday, Black Friday? Oui, oui, Black Friday, Black Friday. Et avec cette année encore, plus d'offres sur le site blackfriday.leclerc. Du 20 au 24 novembre. Voilà. Du 20 au 24 novembre, profitez du Black Friday chez Leclerc. Retrouvez toutes nos offres exceptionnelles en magasin et sur www.blackfriday.leclerc. Et quand il y a Black Friday chez Leclerc? On est chez Leclerc. 6h30, bienvenue. bienvenue dans le double expresso RTL 2. C'est l'heure des infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Et les gilets jaunes de nouveau sur le pont. La mobilisation des automobilistes contre la hausse des taxes sur les carburants se poursuit ce matin. Quelques exemples. Sur la 6, les gilets jaunes bloquent le péage de Lima dans le Rhône. Autre péage bloqué, celui de Fontaine sur la 36. L'autoroute A16 est coupée à hauteur de Calais dans les deux sens en Gironde. Le pont d'Aquitaine est toujours fermé à la circulation. Hier soir, le Premier ministre Édouard Philippe a assuré avoir entendu la colère et la souffrance des manifestants. Pour autant, dit-il, il veut maintenir le cap. Édouard Philippe qui perd des points auprès des Français selon un sondage IFOP publié hier. Sa cote de popularité chute de 7 points en novembre pour atteindre 34% d'opinion favorable. Celle d'Emmanuel Macron est au plus bas, elle s'établit à 25%. Coup d'envoi du service national universel en juin prochain. Le gouvernement envisage de tester le système dès cet été. C'est le secrétaire d'État Gabriel Attal qui l'annonce ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Pour cette phase pilote, seuls des volontaires seront appelés. Ils seront répartis sur une dizaine de départements. À terme, ce nouveau service militaire devrait être obligatoire pour 2026. Il concernera tous les adolescents de 16 ans. C'est le début d'une semaine cruciale pour le Brexit. La première ministre britannique Theresa May, très critiquée dans son propre camp, est attendue à Bruxelles. Elle doit y rencontrer le président de la Commission européenne avant le sommet de dimanche qui validera le divorce entre le Royaume-Uni et l'UE. D'ici là, elle défendra le texte aujourd'hui devant le patronat. Les sports avec une première hier soir qui fait plaisir dans le foot français. Et la diffusion en prime d'un match de division 1 féminine. Le PSG face à l'OL. La rencontre s'est soldée par un nul 1 partout. Les Lyonnaises gardent 2 points d'avance en tête. Et puis toujours en foot, on connaît les premiers qualifiés pour la phase finale de la Ligue des Nations. Le Portugal, l'Angleterre et la Suisse. Il reste encore un billet, ce sera pour la France ou bien pour les Pays-Bas. Et puis en tennis, il a fait plier Djokovic à 21 ans. L'Allemand Alexander Zverev a battu le numéro 1 mondial en finale du Masters de Londres. La météo dans la matinée, il y aura quelques averses sur le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse. L'après-midi, on attend un petit peu de neige dès 400 mètres d'altitude sur les Vosges, le Jura, les Alpes et le Massif central. Les pluies vont se renforcer sur l'île de Beauté. Sur le nord et le sud-ouest du pays, le ciel deviendra très nuageux avec quelques gouttes. De la Bretagne et du centre Hollande, en revanche, le temps sera sec et ensoleillé. Les températures ce matin, il fait froid. Couvrez-vous bien. Moins 2 degrés à Haguenau, moins 1 à Rouen et Cholet, 0 à Tulle, 3 à Lacanau et à Aix-en-Provence, 8 à Olmeto. L'après-midi, on attend 5 degrés à Mâcon, 6 à Paris et Lamballe, 8 à Calais, 10 à Perpignan. Merci, retour des infos dans moins d'une demi-heure sur RTL. De quel numéro pour Galiléo Futuroscope son séjour? Le 3228, bien sûr. Et on joue au tube de la brosse à dents RTL 2 à 6h45. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. the end is upon us, I swear I'm gonna make it. I'm gonna make it. Les nouveaux rois du son pop rock, Imagine Dragons, Natural sur RTL2. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Un winner trouvé ce matin sur cnews.fr. Ah, vous allez voir, c'est assez rigolo ce qui s'est passé. Enfin, rigolo. Oui, si, on peut dire ça comme ça. Vous allez me dire après. On part à Daventry, en Angleterre. Il y a une société qui contrôle les alarmes incendies qui est inquiète parce que d'un coup, elle entend une alarme très puissante. Alors, c'est vrai que généralement, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On appelle les pompiers. Les pompiers, c'est bien. Tout le monde suit. Impeccable. Du coup, ils entendent ce signal très aigu. Ça fait beaucoup de bruit, une alarme incendie. Forcément, vous en avez une chez vous. Vous savez ce que, ce que ça fait comme bruit en fond sonore. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vaste dispositif. Les pompiers arrivent. Tout le monde encercle la maison. Ils ouvrent. Pas d'incendie, mais Jazz. C'est qui Jazz? C'est quoi? Jazz, c'est un perroquet. Et son propriétaire, Steve, il nous a dit, Jazz, il est taquin. Il aime reproduire les bruits. Et donc, Jazz s'était amusé à imiter l'alarme incendie. Oh, mais quel enfer, ce bruit! Jazz, c'est un coquin. Jazz a fait le bruit de l'alarme incendie. Les pompiers lui ont pas voulu, lui en ont pas voulu. Le lendemain, ils sont revenus quand même pour voir si tout allait bien et si l'animal était en pleine forme. C'est rigolo. Mais tu sais que justement, alarme incendie, moi, elle s'est mise en marche ce week-end, mais pour rien. Je suis rentrée à 4h du matin, samedi matin. Oh, bah tiens, t'as fait la fête. Je me couche et là, alarme incendie, mais toute seule. Vraiment, j'ai fait trois fois le tour de mon appartement qui n'est pas très grand, mais il y avait rien et ça se mettait en route, ça ne s'éteignait pas. Il y avait un perroquet en fait chez toi, je vous tiens, dis-le. Mais pauvre voisin, non mais c'est l'enfer ce bruit. J'espère surtout qu'elle s'était pas mise en marche dès 1h du matin, comme t'étais pas là, tu l'as pas entendu. Tu vois, on sait pas, on va enquêter. On va appeler les voisins de Justine, restez avec nous, ça va être chaud. Après les Red Hot Chili Peppers dans le double expresso RTL 2. Yeah.

avec le double expresso RTL 2, le son pop rock. Dans tous ces naufrages, notre histoire en nage n'est plus celle que l'on imagine. Le vol des signes, comme on n'a pas gommé les nuages passés, des orages qui s'enracinent, ouais, le vol des signes. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des signes. Comme à l'ancienne adresse, l'inconnu tendresse, manquait tant à notre estime, on suit le vol. Enlever les gants pour embrasser d'autres cimes. Suis le vol des cimes. Toucher le littoral, émouvant le sable sur les plages d'une vie divine. Le vol des cimes. Mets tes mains dans les miennes. On mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des signes. Laurent Lamarca, le vol des signes sur RTL2. RTL2, le tube de la brosse à dents. Première candidate de la semaine, c'est Géraldine qui est avec nous. Bonjour Géraldine. Bonjour Grégory et Justine. Coucou Géraldine. Ça va bien? Ça va très bien, je suis en pleine forme. Vous êtes à Roques-sur-Garonne, on n'est pas très loin de Toulouse. Exactement. Et qu'est-ce que vous faites ce matin? Racontez-nous. Eh bien, je travaille. Et que faites-vous? Je suis infirmière. Ah bah oui, c'est le retour des infirmières de 7h-10. Allez. Il y en a beaucoup. Vous avez commencé tôt ce matin? Vous étiez nuit? Comment ça s'est passé? Non, j'ai commencé tôt. D'accord. Bah écoutez, vous allez pouvoir être récompensé. Parce que je vois que vous avez deux enfants, vous aimez les voyages. On a quand même un séjour en famille à vous offrir au Futuroscope. C'est un séjour pour deux adultes, deux enfants, les entrées, l'accès à la coiffée nocturne, la nuit en hôtel, les petits-déj. Bref, la totale, vous allez pouvoir gagner ça avec Bruce Springsteen. Salut, oh Bruce. Yeah. Bonjour les pop rockers. Bonjour ma Géraldine, comment ça va? Très bien, merci. Je sais, bonjour à tout le monde. Vous dites merci à la vie, merci au lundi, parce que c'est le retour de Bruce Springsteen. Ouais. Je le sais au fond de vous. À vous de trouver la chanson qu'il va chanter en se brossant les dents. C'est le concept, je sais, c'est particulier. Bonne chance à toi, Bruce. Alors Géraldine. Alors là je suis perdue. Un groupe. Quand il y a des méchants et des voleurs, ils sont arrêtés par. Allez. Police. Ouais. Ce qu'il y a, pourquoi vous regardez bizarrement? Ah là là, non, mais c'est pas d'indice. Impossible, toi. Je suis désolée pour Bruce. J'ai rien compris, on est dû. pour tout vous dire, moi je trouve que c'était pas ta meilleure prestation. C'était une belle interprétation pourtant, non? Ah, la preuve, elle a trouvé. Non, elle est pas sur ta compil, on me signale dans l'oreillette. En tous les cas, bravo, vous gagnez votre séjour au Futuroscope en famille, dans l'atmosphère festive et fantastique, dans l'extraordinaire voyage et les meilleures attractions européennes que vous allez pouvoir découvrir. Et puis également, vous allez profiter d'une soirée magique avec la Forge aux Étoiles, l'aquaférie imaginée par le Cirque du Soleil. Bravo! C'est merveilleux, je vous remercie à tous. Profitez bien en famille, Géraldine. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. RTL2, il est quasiment 7h05. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL2. Il est de retour comme tous les matins à 7h06, c'est Jonathan O'Donnell. Bonjour Jonathan. C'est le comeback, bonjour Grégory, bonjour Justine, bonjour à tous. Bonjour. Ah, l'autre il se fait son auto-comeback. C'est le comeback c'est les gars. C'est le comeback de la vedette. Tu veux des clairons? Comment ça se passe? Des clairons, oui, vas-y fais-moi un bruit non, de clairons. Non, je ne le ferai pas. Allez. Pop, pop, pop, pop. Bah c'est des clairons étonnants. Vas-y. Je vous ai demandé. On file à Dubaï pour commencer. La police s'entraîne avec l'Overbike S3. C'est une moto volante futuriste qui peut atteindre 100 km/h pour 25 minutes de vol. Donc la police s'entraîne avec ça maintenant. Si on commence à sortir des véhicules volants, c'est les gilets jaunes qui vont pas être contents. Hein. Pour les prochains blocages, ça va être compliqué. Il va falloir trouver une technique, mais bon. On parle Apple. Selon un utilisateur américain, son iPhone 10 aurait pris feu lors d'une mise à jour. Faites attention, c'est dangereux. Apple s'est excusé, évidemment, et du coup, ils ont décidé d'appeler ça désormais une mise à feu. Voilà, c'est plus cohérent. Mise à jour, ça marche plus. Et enfin, science, un cratère plus grand que Paris, 31 km de large, a été découvert sous la glace du Groenland. Et Apple s'excuse encore pour ce nouvel incident de mise à jour, hein, parce que ça, c'est. Encore une fois, c'est de leur faute. Merci, Jonathan. Tu restes traîné, évidemment. Hein, je veux bien. Tout au long de l'émission. Tu reviens à 8h55 pour un nouveau top 3. Justine, reste avec vous. Tu restes là, Justine. Je suis là. Max, Jérémy, Jonathan, tout le monde est là. Tout comme Donnelly. Oui, c'est Jacob Banks qu'on écoute sur RTL dans quelques secondes. Écoutez RTL 2, we are good news. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album Simulation Theory, écoutez RTL 2 et partez à Londres pour le concert de Muse. À tout moment sur RTL 2. We love RTL 2, the pop rock radio. RTL 2.

Coup d'envoi du service national universel. En juin prochain, le gouvernement envisage de tester le système dès cet été. C'est le secrétaire d'État, Gabriel Attal, qui l'annonce ce matin dans les colonnes du journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Pour cette phase pilote, seuls des volontaires seront appelés. Ils seront répartis sur une dizaine de départements. À terme, ce nouveau service militaire devrait être obligatoire pour 2026. Il concernera tous les ados âgés de 16 ans. Les sports, la France jouera-t-elle la phase finale de la Ligue des Nations, Raphaël ? Réponse ce soir, à l'issue de la rencontre entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Suspense pour que les Bleus se qualifient. En tout cas, il faut absolument que les Allemands l'emportent. Les trois premiers à avoir décroché leur ticket sont le Portugal, l'Angleterre et la Suisse. Autre compétition, autre qualification, celle de l'Algérie qui ira bien au Cameroun en juin prochain à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça passe aussi pour la Côte d'Ivoire. La météo dans la matinée, il y aura quelques averses sur le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse. Cet après-midi, on attend un petit peu de neige à partir de 400 mètres sur les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central. Les pluies vont se renforcer en Corse avec de la neige là aussi. Sur le nord et le sud-ouest du pays, le ciel deviendra très nuageux avec quelques gouttes. En revanche, de la Bretagne et du centre Hollande, le temps sera sec et ensoleillé. Les températures ce matin, il fait froid. Moins 2 degrés à Sarreguemines, 0 à Valenciennes et Paris, 2 à Lorient, 4 à Pau, 8 à Ramatuelle, 10 degrés à Aléria. Cet après-midi, on attend 5 à Épernay, Tours et Dijon, 6 à Vichy, 8 à Carcassonne et 12 à Cannes. 7h03, eh bien bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, coucou tout le monde. On va ouvrir cette nouvelle heure du double expresso RTL2 avec celui qui fut notre invité dans les invités du vendredi il y a 15 jours, Jacob Banks. Voici Unknown dans le double expresso RTL2. Allez, bon réveil. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I've done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk for what's I'm listening. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured. Tell me you've been betrayed. What I've done to you. Even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Look at all this heartache, what is left? Forgetting how it started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. Expresso RTL 2 de 6h à 9h. Oui, et toute l'équipe est en pleine forme. Bonjour l'équipe. Bonjour Justine, évidemment. Et bonjour Greg. Bonjour à vous, vous qui reprenez le travail ce matin. On a un copain qui veut nous dire bonjour. Oh, bonjour les amis. Ça va ? C'est moi, Mickey. Mickey a une voix donc. Il a 90 ans surtout depuis hier, Mickey. Vous vous rendez compte du coup ? Moi je repars en enfance. Hein. Hey, Douchka. J'étais amoureux de Douchka quand j'étais petit. T'as eu combien d'amoureuses toi, dis donc. Beaucoup trop. Ouais, Douchka, Mickey, Donald et moi quand même. Pardon, mais Douchka. Ah, tout là-haut avec Dorothée et Chantal Goya. Bon bref, on n'est pas là non plus pour que j'ai de la nostalgie et de la mélancolie dans la voix, mais c'est l'anniversaire de Mickey. Est-ce que vous saviez que son ancêtre c'était un lapin ? Ah le non, premier non. personnage qu'a créé Walt Disney, c'était un lapin. C'était Oswald. Et puis après, il l'a remplacé par Mickey, la petite souris. Et son premier nom à Mickey. Tiens, allez, hop, j'offre un café à celui qui sait. Le premier nom de Mickey. Ah, je me souviens plus. Je l'ai su. Tu l'as su. Je suis sûr. Tu l'as su. Mortimer. Mortimer. Alors moi, j'ai jamais su. Hein. Du coup, c'est nul. Mortimer à côté de Mickey. Ah, c'est pas pareil. C'est plus joli, Mickey. Enfin, c'est nul. Excusez-nous si vous appelez Mortimer. Mais... Ah bon, ça marche moins bien. Et alors, son nom en Allemagne, c'est Mickey Mouse. Pas très éloigné. Bah, Mickey Mouse, oui. Raton Mickey au Mexique. Ah. Bon, j'imagine que c'est Raton, hein, parce que du coup, ça Raton. Mickey Ear en Estonie et Chuot Mickey au Vietnam. Il y a toujours Mickey dedans. Bon, en Italie, c'est Topolino. Ah oui, c'est mignon. J'aime bien. Et comme ça, jusqu'à 9 ans, on va vous donner plein d'anecdotes pour fêter les 90 ans de Mickey. Et il y a un énorme album pour les 90 ans de Mickey. C'est génial pour les histoires du soir. Ouais, il est déjà dans mes toilettes. Bon, c'est autre chose. Chacun les histoires du soir. Bon, réveil. Je vais me faire engueuler par la direction, je crois. 7h08, on va écouter Donna Lewis sur RTL2. C'est poétique dès le matin. J'en peux plus, toi. Forever dans le double expresso RTL de première info expresso, Justine, deuxième info expresso, pardon. Et si vous trouvez que le petit dernier de la famille est le chouchou, eh bien on va vous donner quelques arguments qui vont dans votre sens. Alors je dis à mon aîné et à mon cadet de ne pas écouter l'info expresso de Justine, on écoutera The Lumineers sur RTL. Oh, hey, à tout de suite pour le son pop rock. RTL 2 Pop Rock Party. Le son pop rock mixé par Loran et RLP en live. Écoutez. RTL 2 Pop Rock Party. Toute la semaine de 19h à 20h. Et les vendredis et samedis, version longue de 22h à 1h. RTL 2 Pop Rock Party. Mon

sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me, family, all the blood that I will bleed. Sur RTL2. L'info expresso RTL2. J'aime bien ce oh hey dès le matin, comme ça, moi ça me met de bonne humeur. Autre chose qui me met de bonne humeur, la voix de Justine. Du coup, on y va pour l'info expresso. Rien que ça. Bah, c'est gentil, hein. Je vous parle des frères et des sœurs ce matin. J'ai lu ça sur cosmopolitan.fr. Alors, quelle que soit notre position au sein de la fratrie, on trouve toujours quelque chose à redire. Ça, c'est vrai. T'es l'aîné, toi, Greg. Je suis l'aîné de deux garçons. Hein. Moi, je suis au milieu. Ah ouais. Au milieu, on se sent. Ah bah, je comprends. Au milieu, on se sent toujours un peu oublié. Hein, c'est vrai. Les plus jeunes, ils ont l'impression d'avoir les restes de leur aîné. Toujours genre, on récupère le cartable, on récupère le vieux pull. Et les aînés pensent aussi que les plus jeunes sont les chouchous. C'est pas faux. Tout ça est assez juste. Moi, je vois ça à la maison. Ils pensent tous qu'ils sont à la mauvaise place, alors qu'en fait, ils sont aimés pareil. Mais alors, qui a raison ? Je ne sais pas. T'as la réponse ? Eh bien, d'après une récente étude, les petits derniers ont en fait tendance à être favorisés par les parents. Et la raison principale est très simple. Les plus jeunes sont les préférés, car ils font tout pour l'être. Arrivant après un, deux ou plus d'enfants, le petit dernier de la famille, il estime en fait inconsciemment dès la naissance qu'il a du chemin à rattraper. Question affection. Ah, tu crois ? Donc il faillote. Donc il a tendance à failloter, voilà, c'est ça, pour devenir le chouchou des parents. Il a tendance aussi à faire le clown pour être apprécié davantage par toute la famille. Il se cherche un rôle, en fait. Ouais. Et ils ont par ailleurs tendance à être moins dans le conflit que les premiers. Ah, bah pas la mienne, hein. Je peux dire qu'elle a bien compris comment ça marchait la guerre, hein. Ça, mais dans le conflit. Ta petite dernière, est-ce que tu l'éduques pareil que l'aîné ? J'essaye de faire pareil, mais les deux grands me disent non-stop. Ah oui. Bah moi, à mon époque, bah, tu laissais pas passer ça. Mais oui, mais on a vieilli, on s'est ramolli. Et surtout, pas que ça, on a pris de l'expérience. Donc il y a des choses qu'on tolère plus parce qu'on sait que ta bio, ça marche pas à certains moments. Et le téléphone portable, non, je l'avais pas aussitôt. Non, ouais, mais ça, elles auront au même moment. Attends, faut pas non plus. Faut pas abuser, pas faut sur pas ça. Faut pas pousser mémé dans les orties, hein, quand même. Mais par contre, oui, est-ce qu'elle nous mène par le bout du nez complet, quoi. Ah, mais ta petite dernière, elle te mène, mais alors. Oh bah oui, là. Mais là, loin. Bah, c'est impeccable que tu dis ça, c'est pas mal. Écoute, l'éloge. Elle prend le petit déj en écoutant. Et elle sait que papa, elle le domine. Merci, Justine. Back. All you do is call. could have a Big Dipper. Gabriel Sledgehammer dans le double expresso RTL 2. Il est 7h25, l'heure de l'horoscope. On y va, Greg, avec les médailles de bronze et les gémeaux. Alors, ayez foi en vos capacités, elles sont très nombreuses. Les balances. Vous avez du mal à vous réveiller ce matin, courage. Et les cancers. Être pessimiste ne vous mènera à rien, alors gardez le sourire. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. Voilà une belle journée qui commence, il n'y a aucun nuage à l'horizon. Taureau. Vous réfléchissez toujours avant d'agir, c'est une grande qualité. Les lions. Dans les jours à venir, une rencontre va vous changer la vie. Vierge. Vous êtes plus motivé que jamais pour affronter cette nouvelle semaine. Les sagittaires. Votre bonne humeur est communicative. Capricorne. Une belle opportunité professionnelle va se présenter à vous. Ne passez pas à côté. Les Verseaux. Profitez des instants passés avec vos proches, vous ne le regretterez pas. Poisson. Vous n'avez pas de temps à perdre pour les gens qui vous critiquent. Et puis médaille d'or du jour pour les scorpions. En ce moment, la vie vous sourit, tout va bien, il faut en profiter. Et si on écoutait Pink ? Et bon, on va faire ça, tiens. Just Like a Pill, il y aura également ma chanson du jour qui va nous ramener dans les années 80. Et puis la banque RTL 2, 3228 pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Arrête, ça va trop loin là.

C'est le début d'une semaine cruciale pour le Brexit. La première ministre britannique Theresa May, très critiquée dans son propre camp, est attendue à Bruxelles. Elle doit y rencontrer le président de la Commission européenne avant le sommet de dimanche qui validera le divorce entre le Royaume-Uni et l'UE. D'ici là, elle défendra le texte aujourd'hui devant le patronat. On passe au sport avec une première hier soir dans le foot français. Enfin, la diffusion en prime d'un match de D1 féminine. Le oui. PSG face à l'OL, la rencontre s'est soldée par un nul un partout. Les Lyonnaises gardent 2 points d'avance en tête du classement. Et puis toujours en foot, on connaît les premiers qualifiés pour la phase finale de la Ligue des Nations. Le Portugal, l'Angleterre et la Suisse. Il reste encore un billet, ce sera pour la France ou bien pour les Pays-Bas. Et puis en tennis, il a fait plier Djokovic à 21 ans. L'Allemand Alexander Zverev a battu le numéro 1 mondial en finale du Masters de Londres hier. La météo dans la matinée, il y aura quelques averses sur le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse. Cet après-midi, on attend un petit peu de neige dès 400 mètres d'altitude sur les Vosges, le Jura, les Alpes et le Massif central. Les pluies vont se renforcer en Corse où il va neiger également. Sur le nord et le sud-ouest du pays, le ciel deviendra très nuageux avec là aussi quelques gouttes de la Bretagne et du centre-Hollande. En revanche, le temps sera sec et ensoleillé. Les températures ce matin, 0 à Colmar et à Tulle, 1 à Au Havre, à Angers et à Limoges, 2 à Salon de Provence, 7 à Lège-Cap-Ferret, 10 à Ajaccio. Cet après-midi, on attend 2 degrés à Pontarlier, 6 à Paris et Dinan, 8 à Calais et 11 degrés à Montpellier. 7h32, fais-moi penser, Justine, à envoyer un texto à Meg et Jody. C'est leur anniversaire. Meg Ryan et Jodie Foster. Oh là là. Je le fais pendant Pink. Have you done? I thought it would be fun. I can't stay on your life support. There's a shortage in the switch. I can't stay on your morphine, 'cause it's making me itch. I said I'd try to call the nurse again, but she's been a little bitch. I think I'll get out of here. Well, I can run just as fast as I can to the middle of nowhere. Like a pill sur RTL 2, 8h25. RTL 2, la chanson du jour. Juste avant la chanson du jour, joyeux anniversaire à Arnaud, il a 10 ans aujourd'hui, il nous écoute ses parents dans la voiture, il est fan de foot et de tennis comme toi. Eh ben voilà, bisous Arnaud et bravo pour tes goûts sportifs. Je vous fais un point commun en plus d'écouter RTL 2. Bon, ma chanson du jour, un nom très 80s pour une chanson complètement inzappable, c'est Murray Head avec One Night in Bangkok. Alors, c'est très connu, mais maintenant vous allez me dire, je vois pas trop ce que c'est. Par contre, quand vous entendrez la chanson, là je sais, vous serez complètement enthousiaste. On est en octobre 84 sur l'album de la comédie musicale Chess, qui est un immense succès, hein, cette chanson. Top 1, top 2, top 3 même, alors aux USA, ça a marché partout dans le monde. Alors c'est une intro de type orientale, un peu lente, avec des chœurs. L'histoire, c'est celle d'une rencontre entre deux grands joueurs d'échecs, un russe et un américain. Le match a lieu à Bangkok. Voilà, sachez-le. Et c'est donc une sorte de métaphore de la guerre froide à l'époque entre les États-Unis et la Russie, évidemment. Mais il y a aussi un double sens parce que les nuits sont chaudes à Bangkok. Je vous fais pas un dessin, tout le monde a compris. Oui. Les paroles sont signées Tim Rice. Ça vous dit rien? Bah, c'est le créateur de Can You Feel the Love Tonight du Roi Lion. Donc, il connaissait les comédies musicales. Ah, oui. Et la musique est signée Björn Ulvaeus et Benny Andersson, qui sont deux membres du groupe ABBA. C'est pour ça que c'est un tube. D'accord. Et c'est pour ça que c'est la chanson du jour. Murray Head, Why Night in Bangkok, sur RTL2 à 7h37. Bangkok, oriental setting, and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. A minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. When I in Bangkok dans le double expresso RTL2. Je sais que ça marche quand je vois Jérémy, notre réalisateur, qui garde son casque pendant les 4 minutes de la chanson et qui bouge sa tête. Avec sa tête qui bouge de gauche à droite. Je sais que ça marche dans ce cas-là. On fera une autre chanson de Murray Head prochainement, un Seed and Sojo, qui est une des plus belles balades. Tu vois, pourquoi pas. On se fera plaisir aussi. You too? Oui. Et puis on va jouer, hein, bien sûr. Et on va jouer au jeu de la banque. Appelez-nous 3228 pour gagner jusqu'à 10 000 euros. A tout de suite sur RTL2. Et bonjour, en fait. Hein, il est 8h20. Écoutez RTL2, we are called Muse. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album Simulation Theory, écoutez RTL2 et partez à Londres pour le concert de Muse. À tout moment sur RTL2. We love RTL2, the pop rock radio.

U2, Pride in the Name of Love sur RTL2. C'est l'heure de la banque RTL2. Il est 8h10, bonjour Christophe. Bonjour Grégory, bonjour Justine. Salut Christophe, ça va? Bah, ça va, impeccable. Vous avez passé un bon week-end, dites-nous. Très très bon, ouais, c'était sympa. Une petite balade en forêt, non, c'est chouette. J'ai toujours peur quand on pose cette question que la réponse soit non, c'était absolument horrible. Mais il y a des week-ends plus ou moins sympas. Vous êtes à Sotteville-lès-Rouen, du coup, c'est comme son nom l'indique, à côté de Rouen, a priori. Oui, exactement, ouais. Vous aimez jouer à la console, vous êtes un gamer en fait, c'est ça, Christophe? Ouais, j'aime bien, ouais. Alors, dans la banque, il y a des PS4, il y a des Xbox, il y a plein de belles choses, il y a des voyages aussi. Il y a 10 000 euros peut-être, un peu moins. Attention au coffre vide, hein, vous connaissez le principe? Et je viens de voir votre métier, juste, vous êtes formateur premier secours, j'en profite pour dire que c'est une formation très importante à faire. Allez, c'est parfait. Exactement. On y va, il y a peut-être un MacBook Air également qui vient de faire son entrée dans la banque. Top chrono, une minute, coffre 20. Un robot pâtissier KitchenAid. Waouh, 500 euros. Oh, non, coffre 2, il veut pas. Un MacBook Air. Oh, il est là, le MacBook Air, 1300 euros. Un MacBook Air? Oui. Bah écoutez, je prends. Ouais, non, je prends. Oh, écoute, on a Jonathan à côté qui regarde et qui fait pourquoi Oui. Mais attendez, il y a peut-être mieux, il y a peut-être 2000, il y a peut-être 10 000. On prend? Comment? On prend, il y a peut-être 10 000 euros. Bon, bah bravo! Ouais! Eh, ça commence bien cette semaine. MacBook Air, 1299 euros. Hop, ça part chez vous à Sotteville-lès-Rouen. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre 3, Jérémy? Un petit déjeuner avec l'équipe du Double Expresso. Ah, la boulette! La douille. Ah ouais. Ah ouais, parce qu'en plus, vous imaginez bien, comme on mange beaucoup, il y avait au moins pour 5000 euros de petit-déj là. Au moins. À minima. Hein. Bon, bravo, vous venez de remporter ce MacBook Air, si vous voulez faire comme Christophe. Merci, 32... merci. Ouais, vous en prie, soyez heureux, c'est parfait. 3228 ou banque 74-900 pour jouer dans moins d'une heure. Christophe? Qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un Double Expresso, bien sûr.